Bonsoir, vous êtes à l'écoute de Bonjour Minnesota sur Fresh Air Community Radio KFAI. 90.3 Minneapolis et 106.7 Saint-Paul FM, Radio Sans Frontières. You are listening to Fresh Air Community Radio, KFAI 90.3 FM in Minneapolis and 106.7 FM in St. Paul, Radio Without Boundaries. Good evening. My name is Dana. Et moi, vous m'entendez? Oui. Moi, je suis Caril. And I'm Olaf, and we have a special guest tonight. Christine, bonsoir, Christine. Do we hear you? Ça marche. Ah, d'accord. Oui, bonsoir. And Christina Selander-Bouzouina is the director de l'Alliance Française, French Cultural Center here in the Twin Cities, Minneapolis, and now reaching out to Rochester as well, correct? Oui, c'est ça tout à fait. L'Alliance Française de Minneapolis et Saint-Paul est présente dans les villes jumelles depuis presque 100 ans et nous avons eu beaucoup de demandes de nos membres à Rochester de commencer les activités culturelles et les cours de langue chez eux. Et donc, ils nous ont accueillis chaleureusement. Et voilà, il y a une semaine seulement, on a fêté le 14 juillet sur la place piétonne en plein centre-ville et c'était une grande réussite grâce à leur accueil. Oui, mais c'est pas tout. Christina, vous êtes aussi consul honoraire de France. Tout à fait, depuis octobre dernier. Et qu'est-ce que tu fais avec cette position, Christina? Alors, consul honoraire, comme dit le titre, c'est honoraire. Donc, c'est presque du bénévolat, je dirais, au service du gouvernement français et aux Français qui habitent dans la région. Donc, le plus gros du travail consiste à donner les passeports, en fait, et les cartes d'identité aux Français donc, qui demandent à Chicago. Ils doivent se rendre à Chicago carrément pour faire une demande de passeport. Et donc, ensuite, le consulat général de Chicago les envoie chez moi, à l'Alliance française. Ah, et puis, je tiens une permanence consulaire deux ou parfois trois fois par mois, justement pour livrer les passeports aux Français, pour leur éviter un déplacement à Chicago à nouveau. Mais donc, ils peuvent éviter de se déplacer à Chicago. Tout à fait. Après, oui, c'est un service énorme, j'estime, parce qu'autrefois, il a fallu se rendre à Chicago deux fois. Et donc, compte tenu les frais de voyage et puis les frais du passeport, ça s'élève assez cher. Mais ce n'est pas tout. Le consul honoraire aussi sert comme représentant du consul ou de l'attaché culturel ou de la chef de chancellerie pour les services. Par exemple, j'ai eu le grand honneur de remettre 4 légions d'honneur aux anciens combattants américains qui ont fait la Deuxième Guerre mondiale en France, donc qui ont combattu pour la libération de la France et des Français. Et c'est peut-être la partie du rôle qui me touche le plus profondément. Oui, on a eu Jim Carroll. Oui. Ici pour une interview très sympa. Oh, un homme extraordinaire. Oui. Oui, tout à fait. Et puis, il y a 10 jours peut-être, il y a le professeur de français à Eagan, je crois, Linda Albertson, qui a reçu les palmes académiques du ministre de l'Éducation nationale. Et donc, le consul n'a pas pu faire le déplacement et son adjoint non plus. Donc, c'était moi, à leur place, qui lui a remis ses palmes. Et elle est devenue chevalière. Donc, sensationnel. Oui, donc c'était vraiment très, très agréable. Mais l'essentiel, c'est d'être une connexion pour le consul et le consulat avec la communauté locale. Donc, ça se marie très bien avec mon rôle à l'Alliance française. Oui, exactement. Bien, oui. Voilà. Combien y a-t-il des ressortissants de France à peu près? Oui, officiellement, dans le Minnesota, il y a quelque chose autour de 3 000 Français. Mais C'est le tout. Nombre, en fait, c'est ceux qui sont officiellement inscrits sur le registre des Français établis hors de France. Et on sait qu'il y en a beaucoup plus qui sont là pour un an ou trois ans ou une période assez courte. Ou d'autres Français qui ont acquis la nationalité américaine, donc qui n'ont pas forcément fait la démarche administrative au consulat. Tu es en charge de changer les enregistrements des livrets de famille pour les naissances de bébés aux États-Unis? Non, ce n'est pas moi qui s'occupe de cette partie-là. C'est le service de chancellerie. OK. Et donc, ils font un déplacement à peu près une fois par an, à Minneapolis. Et donc là, je crois qu'il est possible de faire une inscription, une déclaration de naissance et une inscription dans le livret de famille. Okay. So it's possible to have the French family book done here without having to go to Chicago. You're saying once a month they may come. I believe that when the chancellery offices of the consulate come here each year, they usually come once a year, often in November or October, November in the fall. I believe that's one of the services they're able to do. It's not something I can do as honorary consul, but it is possible. Could I just say that there are two very special people listening tonight, my three-year-old son, Sofiane, and my best friend, Jan. And Jan is actually watching Sofiane tonight for me. And so un gros bisou de maman à Sofiane et un gros bisou à Jan. Et merci mille fois de m'avoir aidé avec le babysitting. Je suis parent célibataire, parent seul en ce moment. Donc voilà, donc elle m'aide énormément avec toutes les activités de l'Alliance et puis les sorties, etc. Donc je ne sais pas ce que je ferais sans elle. Donc. Eh bien, toi, tu as amené les trois enfants ici qui sont beaux et vraiment sympas. Ils parlent, bien sûr, bilingue. Ils sont complètement bilingues. Les aînés, oui. Alors, Sofiane, pour l'instant, quand je parle en français, il comprend tout. Il répond en anglais pour l'instant. Ah bon? Mais ça va vite changer parce qu'on s'envole jeudi soir pour Paris. Ah et bon? Donc, il va retrouver sa petite copine Sarah qui a 4 ans. Et voilà, il va devoir s'exprimer en français et j'ai hâte. Il va être obligé. Donc, oui. Et mon mari et nos deux aînés sont déjà en France, ils nous attendent. Et puis donc après quelques jours à Paris chez les amis, on descend dans le sud. Et puis on va voir ma belle famille et tous les cousins de Sofiane qui n'a pas vu depuis 2 ans, donc depuis tout bébé. Voilà. Réunion de famille, ça va être génial. Oui, absolument. J'ai hâte. Donc, il faut que je fasse la valise encore, mais ça va. J'ai encore 48 heures. Alors, un grand bonjour à ton fils. Merci. Et à la babysitter. Bah, Jan, elle est très fan de KFAI, en fait. Elle est auditrice fidèle au programme. Donc, oui, c'est Jan de... du bureau. Oui, c'est ça. Ah bon, oui, exact. Ben oui, elle est tellement sympa. Oui, mais peut-être elle pourrait demander une chanson. Il ne faut que rappeler à 612 341 09 80. Et on peut écouter un peu de la musique et puis revenir à l'interview juste après. Savoir

laisser mon cœur pour la vie. So, what do we hear there? Some Charles Trenet? Was, Ben, toi, Dana. C'était la mer, non? Yeah. The sea, yeah. On va y aller bientôt à la mer. la mer Méditerranée? Oui. Oui. Exact. Oh là là. Quelle chance. Il va faire beau là-bas. Mm-hmm. Il fait chaud en ce moment. Oh oui. Pas partout en France. Oui. Oups. Oh. Tout le monde est en ligne maintenant. Alors, pour les vacances, on a une sélection des chansons d'été et un peu de Charles. Oh, non, Charles Aznavour. Oui, Aznavour, un peu après, on va voir. Après, on oui. va écouter ça si aussi temps, ce soir. Mais à l'Alliance, maintenant, il y a beaucoup de changements et. Tu es venu pour parler de ça. Oui. Parce que il y a non seulement Rochester avec tous ses étudiants au cours de conversation. Qu'est-ce qui se passe maintenant d'autres choses? Alors, depuis quelques années, notre alliance est en pleine croissance. Le nombre de membres de notre association a augmenté de 60% au fil des dernières 5 années. Et puis notre nombre d'étudiants a aussi augmenté de presque 40%. Et notre bâtiment, notre maison aujourd'hui, où nous habitons depuis 1998, depuis que la France a gagné la Coupe du Monde, notre maison est un petit peu serrée. On a 10 salles de classe qui sont toutes remplies, le samedi notamment, mais même en semaine parfois. Et donc là, on a un grand projet de rénovation du bâtiment. On ne veut pas quitter notre quartier, notre bâtiment adoré. Et donc, on a embauché un cabinet d'architectes et un contracteur pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour pousser les murs et vraiment accueillir tout le public. Parce que si vous êtes déjà venu à l'Alliance, vous avez sans doute dû faire face aux escaliers qui montent à la réception et à la plupart des salles de classe, qui rendent le site inaccessible aux personnes à mobilité réduite. Si on continue en anglais, je crois qu'il y aura beaucoup d'anglophones. D'accord. Qui s'intéresse à peut-être suivre des cours ou volontiers. Ce serait une très. So, as I was saying, our alliance has known a lot of growth in the last 5 or 6 years. Our membership's increased by about 60% and our student population by about 38 to 40%. And if you've been in our building in the North Loop of Minneapolis, as soon as you come in the front door, you're confronted with a long and kind of tall staircase. Steep staircase is the word I'm looking for. And our building hasn't been very friendly to people with reduced mobility or people that have trouble climbing stairs or navigating narrow passageways. And so we've hired Ryan Companies as our general contractor and MSR Architects, who did the Mill City Museum and the open book space, and they've been helping us push the walls and really look at how we can adapt our building to not only our members but our future members and all the students that we hope to welcome in the years to come. Mm-hmm. So we're working on a capital campaign to fund the cost of the renovations, and we've already raised about $640,000, and we're just overwhelmed by the support and response from our community. We still have quite a ways to go, but we're confident that with the interest in French and the French language and French-speaking cultures from around the world and the important work that the Alliance has been doing for the last 40 years and plus, that we'll get to our goal and we'll have a new, beautifully renovated and expanded, accessible Alliance Française in the near future. And I must say that the Alliance has made leaps and bounds, and they're doing exciting things there. Just wonderful variety of Thank things. Thank you. One exciting new thing that we're doing, actually, is a partnership with Minnesota United FC. the football or the soccer team. I should say soccer. Oh. Right, we're speaking in English, and so we are having a French night at the stadium Saturday, September 19th. Mm-hmm. And there will be $10 tickets for all Allianz members and friends. And I'm not sure if you're aware, but the Minnesota United recently signed a French-speaking player who plays for the Cameroonian national team. Oh. He was actually in the last World Cup, Sammy Njock, and he's just an outgoing and very promising, talented athlete, native Francophone. And so on Saturday, September 19th at French Night at the Minnesota United, the National Sports Center in Blaine, not only will we have a discount on tickets, but after the game, we'll get to go out on the field and take a French community photo on the field in one of the goals, and then we'll have an autograph and meet and greet session with Sammy. Oh, fantastic. Wow. So I hope you can all join us, and I hope all of the listeners can too. Dana, I know you have a couple soccer players in your family, so least, I hope you'll be there right alongside my soccer players. So it'll be a family photo. Yes, absolutely. That'll be so great. And finally, I feel like the soccer is really growing in Minnesota, and this really pulls it together. Absolutely. Well, we'll have an MLS, you know, a professional team soon. I mean, already the Minnesota United are playing very high quality ball. If you've watched any of their games, they're really doing a great job. And now, whether the new stadium will be in the North Loop or in St. Paul or somewhere else, there's a very promising soccer future for the Twin Cities. And of course, soccer is the national sport in France. You know, rugby is important too, but soccer definitely tops the list. And the Allianz has had a soccer team for 4 or 5 years now that play every Saturday, comprised mainly of expats, French guys that live here. Yeah, and we organize occasional tournaments, and and they've won some of those tournaments. The English team, I think, won the last one, but you know. We can't win them all. We have to share the glory. So Saturday, September 19th, I hope you'll all be there. For sure. Mark that down. And we will definitely share that on our Facebook page, too. Great. Yep. We'll just go to some announcements and back with our interview and some music for summer. KFAI is listener-supported radio. Become an active listener by starting or renewing your KFAI membership today. You can contribute online at kfai.org. Thanks for supporting community radio. Flow is an annual showcase of the amazing art that's made every day on the north side of Minneapolis. This year's Northside Flow Art Crawl is Saturday, July 25th. As part of the celebration, KFAI Saturday jazz programs will broadcast live from Kay's Deli on West Broadway. Join us from 9:30 a.m. to 1:30 p.m. for mostly jazz, rhythm, and grooves, and jazz diaspora as we go with the Northside Flow on Saturday, July 25th. Quand je serai grand, peut-être que je chanterai ou je ferai la courbatiste en même temps. J'habite une trompette argentée. Dieu m'a fait songe, y'a parmi ces songes, parmi des hordes à tutoyer des monstres d'anges. Spacieux silence, je m'installe, esprit qui passe par les fentes et salute au passage le boulevard insensible. À ta sueur, petite dame, à ton courage, à magie des accès trompant le voyageur. Panorama du bout du monde chante ses 6 milliards de souffles. Le peuple est réuni pour démêler son sang. Le décor est urbain de toutes ses lutheries. Je plante deux bâtons, deux bâtons. Je plante deux bâtons, deux bâtons. Au pendule chargé d'heures, sur le macadam aux zones brouillées des mégapoles. Il pleut des cordes sur des instants vides. On porte dans le même sac son trésor, sa pacotille. Cendre tamisée dans les mailles de l'expérience. Je plante deux bâtons, deux bâtons. Je plante deux bâtons, deux bâtons. À ta sueur, petite dame, à ton courage, à magie des accès trompant le voyageur. Je plante deux bâtons, deux bâtons. Je plante deux bâtons, deux bâtons. Je plante deux bâtons, deux bâtons. Რაც მტრობას დაუნგრევია, სიყვარულს უშენებია. გზას გისურვებ კეთილს, გზას გისურვებ ნათელს. წავიდა, გისურვებ ცას, გისურვებ სიყვარულს, სიკეთეს გისურვებ. Alors, c'était qui? Who was that? C'était Lojo. And if you don't know about Lojo, they're from Angers originally. They've been playing as a group for 30 years and came out with their 13th album mm-hmm. in 2012. But I picked them for tonight because they just played in St. Paul at our Bastille Day celebration on July 11th. And I thought they just did an amazing job. They're more than a band, they're a tribe, is what they call themselves. I love that. So, yeah, they're really fun, really entertaining, and a little different than a lot of the pop. So, actually, the Bastille Day was a great success, right? It was. Thank you. I thought so. Is this because of the location in St. Paul? I think that beautiful pedestrian plaza really lends itself to Bastille Day. It's much more picturesque on the cobblestones than on pavement in a parking lot downtown. And just to have all of the, you know, the Park Square was a partner, and the Dakota Jazz Club with their new venue, Vieux Carré, right there. And, of course, our good friends at Meritage. You know, it was just a natural kind of mm-hmm. union of people. And so then we can hope for a repeat performance next year. I hope so. Inshallah, as we say. So as long as the neighbors are up for it, you know, initially they were a little concerned, you know, what kind of music and how loud and how late. But I think everybody was really well behaved. And I think the neighborhood really saw what a fun and quality event it was. Mm-hmm. A beautiful day to be out and so much happening. And for kids, too, there were so many things. Yeah. I don't know. My kids loved it with the crafts and the ice cream. The people who were vendors, they were all super nice. So, well, thank you for coming out and bringing your family. Yeah. I know summers are busy and there's no, you know, shortage of activities happening. We live in such a vibrant community. So it really does mean a lot when people come out to our events. So mm-hmm. thank you. No problem. It was my pleasure. Did you have any final announcements you wanted to let us know about? You know, there's just always something happening at the Alliance Française, as Carol says so eloquently. You know, we have films coming up. We have a taproom takeover at Insight Brewery coming up in August. And then we'll have our open house on September 12th. From noon to 3 at the Alliance building. Oh, that's always great, because you get, if you are interested in the Alliance, that's what you should look at it for the open house. Absolutely. It's just a very non-committal way to come in and take a look around and get to meet some people. And there's always delicious food. And my friends at Minnesota United said there might even be a Cameroonian soccer player giving away tickets. So... so stop in and see. That sounds fantastic. Thank, merci d'être venu. Oh, c'était un plaisir. Merci à vous pour l'invitation. Et puis je suis désolée, je vous demande de m'excuser, mais je vais rentrer faire un gros bisou à mon Sofiane d'amour. Oh. Voilà. Merci beaucoup. Ils sont tous très beaux. C'est gentil. Des hommes. Et bon voyage aussi. Bon voyage. Merci, c'est gentil. Merci. Bah, vous aussi, profitez de l'été et n'oubliez pas de prendre un peu de vacances. We will, and nos auditeurs can go ahead and take a vacation with this music called... Yes, but don't take a vacation from Bonjour Minnesota. Oh, no. No. Seulement avec try to listen as long as you can, as often. And podcast. Yeah, the archives are on the website at kfai.org/Bonjour Minnesota. So... Bon voyage, and here we are with Tom Poisson and Mes Vacances. Mes vacances se sont bien passées. J'ai du sable dans les souliers, sur la plage j'ai apprivoisé des oiseaux colorés. J'ai nagé le long du rivage, ramassé des coquillages. J'en ai fait un joli collier. Ma fiancée, et le soleil sur sa peau bronzée, l'empêche bien sûr de s'habiller. Je suis bien dans ce pays, on m'aime mieux. Je reste encore un peu. Ma peau salée, à soigner mes blessures et ma pensée. Je suis bien dans ce pays, on est mieux. Je suis pas encore entré. Qui commence, c'est parce qu'elle avait dit la météorologie du soleil sur toute la France. Franchement, c'est pas très heureux. Regardez comme il pleut, tu parles d'un mois de juillet. Si au moins on était deux, si j'étais amoureux, sous la pluie, je chanterais. Des airs du soleil, des choses bien plus gaies, un peu miel. C'est moi dans une purée de pois. J'aime pas les gens qui se plaignent. Cette fois je les comprends. Faudrait que je me renseigne. À qui se plaignent ces gens quand il fait mauvais temps? Qu'on me dise à quelle enseigne. Je sais ça fait le nœud de ne parler que de la pluie et du beau temps. Mais mesdames et messieurs, si j'étais amoureux sous la pluie, je chanterais des airs du soleil, des choses bien plus gaies, un peu miel, un peu caramel. Mais non, non, je suis là comme un parisien tout seul, c'est moi dans une purée. Internet geeks at IP House are proud supporters of KFAI Community Radio. IP House provides internet hosting and access for your community, large or small. More information is available at iphouse.com. Cheveux dans les yeux et le nez dans le sable. On est bien tous les deux. C'est l'été, les vacances. Oh mon Dieu, quelle chance. Il y a le ciel, le soleil et la mer. Il y a le ciel, le soleil et la mer. Ma cabane est en planche et le lit n'est pas grand. Tous les jours c'est dimanche et nous dormons longtemps. À midi sur la plage, les amis de notre âge chantent tous le ciel, le soleil et la mer. Chantent tous le ciel, le soleil et la mer. Et le soir, tous ensemble, quand nous allons danser, un air qui te ressemble vient toujours te chercher. Il parle de vacances et d'amour et de chance en chantant le ciel, le soleil et la mer. En chantant le ciel, le soleil et la mer. Quelque part en septembre nous nous retrouverons. Et le soir dans ta chambre nous le rechanterons. Malgré le vent d'automne et les pluies monotones, nous aurons le ciel, le soleil et la mer. Nous aurons le ciel, le soleil et la mer. Nous aurons le ciel, le soleil. All right, we just heard Le Ciel, Le Soleil et la Mer de François de Gaulle. Et avant, qu'est-ce qu'on a écouté? Avant, c'était ton poisson, mes vacances, non? Et le premier, c'était mes vacances, ton poisson, juste après. Oui, ton poisson qui chantait mes vacances, yeah. My vacation. And then after that, we had Quel été 2000. Ah oui, Mathieu Bouguerz. And that was, what a summer, the year 2000, is mm-hmm. that? And c'était curieux ce que j'ai vu là. C'était lui qui a commencé son premier groupe avec Mathieu Chédid quand ils avaient 6 ans seulement. 6 ans? Ah, oh, quelle 16 chance. Ans, pas 6 ans. 16 ans, non, 6 ans. Non. Okay. Les deux étaient des adolescents. And even starting a rock group at the age of 16, these both of them, well, one had a big advantage because his father son papa. Is. Who is his father? Louis Chédid. Louis Chédid, okay. And of course, then the reason Louis Chédid is, doesn't he go by the name of M normally? Mathieu, le fils. Mm-hmm. Yeah. Oh, Mathieu le nom de M. Okay. Mm-hmm. C'est le fils de Louis Chédid. Mm. Shall we? We were going to shift some gears then and listen to some Aznavour. Yes, and what we have is a short interview. He has the 51st album has oh just come out. That's Aznavour amazing. is 91, and this is a short oh. interview with one of the songs from the collection. And the interview with RFI, and the album is called Encore, with an S, as the interviewer stresses several times. Encores. Encores, and which is essentially it's English, because the French don't, if they want to have some no. fun. repeat, they say da capo. They say bis. They don't say encore. No. Bis, and I don't remember stamp that. Your feet. Huh. So can we get... Let's go ahead and listen to it. Yeah, let's listen to it. It's a 6 minutes or so, 5-6 minutes of interview, but very interesting because he talks about his craft, about how he puts together his songs and what he likes about singing, producing songs. And that asked, at this age, what are you doing? Ronnie says, well, I can't stop. If I stop, I'm dead. All right, so here we go with Charles Aznavour. Mission est une rediffusion. Tirez des nouvelles. Jean-François Cadet, Laurence Alanic, Baptiste Antoine, Maïs Acostache. Bonjour, bonsoir. Le 24 avril, alors qu'il l'emmenait avec lui en Arménie, le président François Hollande disait de lui qu'il était une fierté nationale. Il faut dire qu'il en a fait du chemin, le gamin d'exilés arméniens à 91 ans et après 83 ans de carrière, c'est dire s'il a commencé jeune. Il est sans conteste le chanteur français le plus connu à travers le monde, celui qui remplit les plus grandes salles de New York à Rome, de Montréal à Moscou, de Berlin à Los Angeles. C'est donc Charles Aznavour que nous recevons aujourd'hui. L'équipe de VMDN l'a rencontré dans un hôtel parisien à l'occasion de la sortie de son dernier album, Encore, chez Universal, et vous m'en direz des nouvelles. Bonjour, Charles Aznavour. Bonjour. Encore avec un S, pas de oui. Faute d'orthographe. Hein. On devrait dire encore, ça veut dire rappel. Oui. En anglais. Tandis que sinon, ça aurait été quoi encore ? Oui, surtout pas. Ça aurait été moins agréable. Ça veut dire rappel en anglais. Le rappel, c'est le moment du concert que vous préférez ? Non, c'est pas le moment que je préfère. Je n'aime pas les rappels. Et pourquoi ? Mais j'en donne très peu d'ailleurs, parce que je viens d'une famille d'acteurs. Je voulais être acteur, au départ c'était ça. Et qu'au théâtre, vous ne rejouez pas un acte pour faire plaisir au public. Et quand Desdemone, elle meurt sur la scène de l'opéra, elle ne revient pas en chantant une petite chanson. Alors, j'avais quelque chose qui me rebutait dans cette idée. Alors, j'en faisais pas. Là, en ce moment, de plus en plus, le public est encore plus chaleureux, beaucoup plus, il tape des pieds encore plus. Je suis obligé de le faire. Je trouve toujours un moyen pour pouvoir en sortir quand même avec une seule. Mais j'ai réussi aussi une autre chose, c'est de leur dire au départ, à partir de le moment, le tour était terminé. Ce que je vous fais maintenant, c'est les rappels. Alors, pourquoi appeler un album ainsi, encore, avec un S ? Parce que c'est un bon titre. N'allons pas plus loin. Vous savez, un auteur de chansons, c'est un auteur de titres avant toute chose. C'est-à-dire que les titres de vos chansons, vous les trouvez avant d'écrire oui, la chanson ? Oui, presque toujours. Ah oui ? Oui. Donc ça veut dire que l'idée découle du titre ? À tel point que j'ai trouvé des titres de chansons dont je n'ai pas écrit le texte. Il y en a formidable, j'ai trouvé le titre. Il y en a une autre, il y a... Nous nous reverrons un jour ou l'autre. J'ai trouvé le titre. Mais il y en a plusieurs comme ça. Alors là, je ne trouve pas. Si je ne trouve pas, je ne vais pas me buter. Il y a de très bons auteurs en France. Je voyais les auteurs. Je dis, est-ce que ça te dit quelque chose d'écrire là-dessus ? Puis voilà. Donc le titre, c'est la lettre de mission pour le parolier. Oui, le titre, c'est toute l'histoire. Parce que le titre, c'est comme un dessin. Vous commencez avec un point, et puis après, vous faites le tour du point. Donc, il y a une histoire, vous commencez votre histoire. Jacques Plante avait une autre manière d'écrire. Il faisait un canevas. Moi, je ne peux pas faire du canevas. Je pars du début et je dois trouver la chute. Mais tout est bon à partir du moment où la chanson est bonne. Appeler un album encore quand on a 91 ans, Charles Aznavour, ça veut dire que vous n'en avez jamais assez ? Moi, j'aime mon métier, j'adore mon métier. C'est pour ça que je vis bien avec ma femme, parce que quand elle m'a dit un jour, tu sais, à ton âge, tu devrais t'arrêter, j'ai dit, si je te marie, je meurs, elle m'a alors continue. La chanson, c'est votre oxygène, c'est ce qui vous permet de vivre. Je crois que c'est pas seulement la chanson, je crois que c'est écrire et le public. Public aussi, c'est important le public. Moi, j'aime le public, et il me le rend bien. Donc pas question d'arrêter les tournées ? Parce que la rumeur avait couru à un certain moment. Bon, il y a toujours un journaliste plus malin que les autres. Et les autres qui sont pas malins, ils se sont dit là un scoop, on va continuer. C'est ça la vérité. J'avais dit que je ne ferais plus de tournée. Je ne fais plus de tournée. Et vous je faites fais des galas à droite et à gauche, mais je ne fais pas de tournée. Mais ça veut dire qu'après 83 ans de carrière, parce que vous avez commencé extrêmement jeune, oui. Charles Aznavour, après 83 ans de carrière, vous avez encore des choses à prouver au public et non. À vous prouver à vous-même. Voilà. C'est à moi que je prouve. J'ai toujours essayé de prouver des choses à moi-même. C'est pas au public. Vous ne pouvez rien lui prouver. Il prend ce qu'il peut prendre ou ce qu'il veut prendre. Mais il y a des choses amusantes. J'ai un ami qui est poète et qui s'appelle Jean-Marc Natel. Il était un jour dans une salle où il y avait un couple qui était là, devant. Et il a vu tout de suite que la femme avait entraîné son mari. Et j'ai chanté, paraît-il, Ave Maria, et il a dit à sa femme, il est le con, il va me faire croire maintenant. Je trouve ça... Voilà des choses qui m'amusent follement. Donc, il a été gagné. Voilà. Donc, ça veut dire que la force d'une chanson, elle est imprévisible. J'ai des thèmes qui les intéressent, j'ai des thèmes qui les... C'est leur vie, j'écris. C'est la vie des autres que j'écris. J'écris pas la mienne. On croit que c'est la mienne parce que c'est ma plume. Mais c'est la vie des autres. Mais dans cet album, précisément, ce petit garçon qui mange des pains au chocolat... Ça, c'est moi. Ça, c'est vous. Oui. Mais ça, c'est moi, ça, c'est vous, c'est lui. Hein. C'est nous tous. Tout ce que nos parents nous ont offert le dimanche avant d'aller à la synagogue ou en sortant de la mosquée, c'est nous. Le pain au chocolat, c'est votre Madeleine de Proust à vous ? Ça l'a été pendant longtemps avec le baba au rhum. Mais le baba au rhum est venu un peu plus tard à cause du rhum. Oui, forcément. Et ce jeune homme un peu bambocheur qui va faire la fête au pied de la butte Montmartre, et que vous évoquez aussi dans c'est l'album, la Maison Rose. Oui. Ça aussi c'est vous. Ça c'est moi, oui. La Maison Rose, c'était quoi la Maison Rose ? C'était un rendez-vous copain. Des copines ? On en faisait des copines, oui. Et puis l'homme nostalgique, parce que c'est aussi cet homme-là que l'on rencontre à travers cet album. Encore, Charles Aznavour, vous êtes un homme nostalgique ? Oui, je suis moins mélancolique que nostalgique. Je suis pas mélancolique. Et pourtant, c'est un mot qui vient souvent à l'esprit quand on entend vos chansons depuis le début. La mélancolie ? Ah oui. Oui, ben non. La nostalgie, c'est plus intéressant. Qu'est-ce que vous lui reprochez à la mélancolie ? C'est un peu endormant, c'est un peu pleurnichon. Moi, je n'aime pas les pleurnicheries. Voici donc un album avec un brin de nostalgie. Avec un brin de nostalgie, je nourris mon ancien pick-up de vinyle que j'avais acquis. Dans mes folles années bebop, je me verse un fond de whisky et laisse courir mes pensées embuées de mélancolie pour voyager dans mon passé jalonné d'interdits, d'amour secret et d'amour fou qui viennent perturber mes nuits de solitude. Mais surtout, joue sur mes remords, mes regrets, tandis que mon écran s'emplit d'images animées, désormais avec un brin de nostalgie. Avec un brin de nostalgie, ma mémoire me joue des tours. Était-ce Lorraine ou Sophie qui m'a laissé tomber un jour? J'avais quoi, 16 ans et demi, jouant crânement les tombeurs. Et je me retrouvais groggy avec des larmes plein le cœur. Mais à cet âge, on oublie. On vit de rêves et d'illusions. Les filles vont et se marient quand draguent encore les garçons. J'ai connu bien d'autres échecs qui pourtant ne m'ont rien appris. Depuis je fume et je bois sec avec un brin de nostalgie. Avec un brin de nostalgie, de disputes en séparation, seul sans amour et peu d'amis, dans mon champ de désolation. Je passe mes jours et mes nuits à ruminer mes déceptions, le cœur à tout jamais meurtri, sans état d'âme et sans passion, avec un brin de nostalgie sur les ruines de ces amours que j'ai gâchés, que j'ai détruits. Mon mal de vivre est sans secours, mes espoirs sont à l'agonie, mes années restent sans retour. Je n'attends plus rien de la vie et vis ma vie au jour le jour, le cœur brûlé de mes amours et de nostalgie. Avec un brin de nostalgie dans VMDN sur RFI, c'est ainsi que démarre ce 58. Vous êtes à l'écoute de Bonjour Minnesota sur KFI, Fresh Air Radio, 90.3 FM Minneapolis et 106.7 FM à Saint-Paul, et Radio Sans Frontières. You're listening to Fresh Air Community Radio, KFAI 90.3 FM Minneapolis and 106.7 FM St. Paul, Radio Without Boundaries. The program we present is Bonjour Minnesota. For comments or questions, call the studio while the music is playing at 612-341-0980. And we just heard an interview with that was given by Charles Aznavour in the context of RFI, Radio France Internationale, in Paris. And basically they start out talking about, Aznavour actually went to visit Armenia with President Hollande, and Hollande thinks he is the greatest ambassador for France. Because everyone knows his songs. He has been singing for 83 years. Wow. 83 years. And he is the best known living French chansonnier. Well, chansonnier. Chanteur. Is not the right word. Chanteur. Chanteur, yeah. So he talks about, and then he talks about being this important person, and then the discussion goes around how does he conceive his songs, mm-hmm. what does he do, does he write them himself, and at one point he says, no, the most important thing is to think of a title, and once you have the title, then the rest follows. Or he says, if it sounds like too much, then you go to one of your friends and say, look, can you make a song to this title? And he is very funny and talks about the title of this new CD or the new album is Encore with an S, meaning Encores in English, yeah, right. in English. In English. And the interviewer asks him, so this is with an S? And he says, yes, because otherwise it would be something like, quoi encore? What else? else is going on? So he talks about this, and then they ask him about whether he likes to give encores. He says, no, not really. And they ask, why? Well, he says, for one thing, he actually comes from a family of artists, and this is what he wanted to do earlier in his life, and he says, well, when Desdemona dies in the opera, she's not going to get up and sing again if people call for an encore. So he is very witty, and then he sings the song avec un brin de nostalgie. With a little bit of nostalgia. And this is kind of a very laid-back song, mm-hmm. somewhat nostalgic, of course, as the title implies. And what he sings about, of course, is that all the chances that he has missed, all the loves that he has kind of let go, and now he is there and he just lets his life go on as it can. Without being depressed and going into the melancholy and sadness of it, nostalgic but having a light air. No, he said it was funny. He didn't much care for melancholy. Right. And they said, well, why? Melancholy, that's fine. And he said, oh, it sounds kind of whiny. Pernichant. Pernichant. Right. So we have a little bit more coming up, but we could probably talk about some of the Alliance Française updates taking place and the events calendar. I wanted to do a shout out for the Fringe Festival plays that are coming up here in the Twin Cities. As we talked about the Alliance Française, having a great cultural center in the Twin Cities really helps to bring in new films, bridge that film festival type of thing. Of course, I know there's a film coming up at the Alliance on Friday, but for the Fringe Festival, I just wanted to let people know I'm going to be in Hey Bangladesh, which Rajib, who has a radio show here at KFAI, he has put together an actual play to showcase all of the different musicians in town from Bangladesh. And the only reason that I can feel that I can bridge it with Bonjour Minnesota is I would never know anything about that culture, anything about Bangladesh, if it weren't for great film festivals in Paris, where I came across the films of Satyajit Ray and heard about the trilogy of Apu and saw The Music Room, which became my number one favorite film of all time. It's like 1958 black and white. It's two feudal lords competing with one another about having the best music salon. So, I didn't know this about you, Dana. Yeah, one of those other facets. So I just want everybody to get out to the Fringe plays and take a look for Hey Bangladesh as well as other plays. There's hundreds of Fringe plays coming up. And another thing coming up on the spectrum of cultural events is if you cannot go to the Moulin Rouge or the Lido in Paris, there's the Top Drawer Burlesque Exposition taking place at the Mounds Theater on Thursday or Friday and Saturday this weekend. And that's every performer of the Twin Cities is doing a showcase. So it's like going to the Moulin Rouge. You'll see different kinds of, I don't know, there's actual mime. There will be some mimes included in the show. And where is this? This is the Mounds Theater in East St. Paul. It's called the Top Drawer Burlesque Exposition. Okay, so where is this? Where is Mounds Theater is on right on Hudson Road, running parallel with 94, where Highway 61 connects I see. Okay. But it's up above the highway on Hudson Road, sort of on a frontage road. It's a very nice theater. It's a theater, not a movie house. No, it's it was running as a movie house for a while, but it is an actual theater with a great stage and sound system. So just for people to get out to that, out of our normal spectrum of events. Yes, and what you mentioned, the trilogy of you... of Apu. Apu, it just passed here. Did it really? Yeah. Oh, where was that playing? I don't know. I forget whether it was at the, the Trilon? Trilon? How could I have missed that? Or check and see. Maybe it's still going to be shown, but it's in black and white then. Yeah. Those great films. He's such an incredible director, Satyajit Ray. So I will look out for that. We have such an international scene here. What do we have coming up this week as far as French-related events? Oh, we have all kinds of things. As I say, there's always something going on at the Alliance Française. Coming up on, let's see, we've got the Cine Club on Friday the 24th at 7 p.m. Un drôle de paroissien, a film of 1963, free and open to all at the Alliance. Their address is on, let's see, 113, isn't it, I believe? North First Street. On Sunday, at the 26th at 11 a.m., Club Velo, Randonnée à Stillwater, biking in Stillwater. You meet at 11 a.m. Sunday the 26th for a day in Stillwater on the bike. Meet at Pine Point Park at 11 a.m. in the parking lot. Thursday the 30th, Jeune Cadre Dynamique, Dégustation de Bière Belge. They're going to have a tasting. Young professionals will meet for a tasting of Belgian beers. This one will be learning about tasting. Other beers will be crafted by head brewmeister Elon Klages Munt. And that's going to be taking place, let's see, Insight Brewing, a recently opened beer hall. They don't give an address here, but I imagine it's online. 7:30 Thursday, or 6 o'clock, at 7:30. That's July 30th. Also on August the 1st, from 9:30 to 11, Petit Dej. That's always much fun. Coffee and conversation and breakfast made possible by Breadsmith. Great number of people you can meet there. It's so interesting. On the 1st also, Family Day at the Walker Arts Center, games and activities en français. On Wednesday the 5th, from 6 to 7:30 p.m., Apéro en français at the University Club. That's that one on Summit, that lovely... Summit, and before it goes down to... Ramsey yeah, Hill. Just on the top of the hill, isn't it? Right. Mm-hmm. So that's Wednesday the 5th from 6 to 7:30. Speak French and have an apéritif. There have been some changes in parking for Alliance Française. They currently are no longer able to offer, because of the prohibitive costs, the free parking on weekends. So you are on your own. There are quite a few parking spots all around the Alliance Française, and especially on weekends if there's something going on there. There are several surface parking lots and on-street meters, free parking on 4th Avenue North between 1st Street and West River Parkway, as well as on Nicollet Island, if you don't mind a slight walk. Oh, this sounds like fun. Paris Parole, a songwriting competition. On Thursday, August 19th, the Alliance will host Paris Parole, our first songwriting competition, an open mic event. Oh, karaoke with your own song. Mm-hmm. A winner will be selected by popular vote at the event. There will be prizes for the winner. Competitors must use one of the following phrases. Parlez-vous français? Or un café, s'il vous plaît? Or... à la plage, or c'était le coup de foudre, or Paris, je t'aime. If you'd like to participate or have questions, contact Chris at the Alliance Française. There is another huge event coming up next year for French and Francophone organizations. There's going to be all about heritage and culture for French speakers, autumn of next year. Would you like to be involved in the planning of this event? The next committee meeting will be Thursday, August 6th at 6 p.m. at the Alliance. Contact Anna with interest. Many review classes start the week of July 27th. This is great for especially for teachers who need to get that education credits in for renewal. There's going to be review classes and many things, a beginner's review on Tuesdays from 10 to noon, beginning review 2, Mondays from 10 a.m. to noon, intermediate review 6 to 8, and also Thursdays 10 to noon, advanced review Fridays 10 a.m. to noon. You can check all this information out on your website. French for Travelers takes on 5 weeks for students who have never had French before. That will meet from 6 to 8 p.m. July 30th through August 27th. That's a crash course in survival French. L'Afrique subsaharienne, 5 weeks class, July 29th through August 26th. And many workshops, pronunciation 2 in July. Viva les prépositions, July 25th. Well, I don't know. Maybe it'd be best if you just check this out. Classes and for children of all ages, high schoolers down to the little ones. All right, we do have one announcement. Okay. The Woman Folk Live Benefit. Join us this Thursday night at the Astor Cafe for Women Folk Live, a benefit gig for KFAI. The evening features four talented female songwriters, Vicki Emerson, Mother Banjo, Katie Vernon, and Sarah Morris. All proceeds from this fun night of folk, acoustic, and Americana music will benefit KFAI. Information is available at astorcafe.com. Music starts at 9 p.m. Well, that will be great because mm-hmm. Mother Banjo is Ellen Stanley, who has another program here, a very talented woman. Would you like to see a great movie called Love at First Fight? It's been on recently. It's going to be coming to the St. Anthony Main Theater. Alliance Française members receive a special pricing July 10th through 16th. Well, that's too late for us. Oh, we missed it. Also, I think it's still playing. Maybe you don't get the mm-hmm. discount. You have to check that out. I saw the ad for this. Gemma Bovary at the Edina Cinema will be playing. That's... Also, members can receive a voucher for two tickets if you're a member of the Alliance. And it's a play on words, of course, on Flaubert's very famous novel, Emma Bovary, Madame Bovary, who was bored with her country life and led her into a life of looking elsewhere. Stop by the office or email Barrett if you would like a ticket or a pair of tickets to go to this film. I will be getting some of those tickets. Yes. I know some people that would like... Oh, no, wait a minute. This, too, is says through Thursday the 17th. Oh. Well, that's much too late, but call and see. Maybe mm-hmm. you're still doing something about this. Well, I will not go through all the things going on at Rochester, but Rochester has come up with a... very big schedule, petit déjeuner, and the same thing for the movie. There are some other events for other types of events. Sundays in July and August from 1:30 to 4:30, jazz in the vineyard at Alexis Bailly Vineyard. Oh. That would be fun, wouldn't it? Very good. Is that that's in Stillwater, right? Or it's I'm not really it's, sure. It's somewhere in the general area. Right. Yes. Yeah, it's around the surrounding area. On the St. Croix. Mm-hmm. It's just scenic. Some of these are past here. Shall we get back to some music? I think so. I think that about does it for information. There's a lot. If you're looking for a job, there are many that are on the list or looking for a nanny type situation. Mm, and host families as well. I would, I'll go ahead and play Vacances, some music, and we'll come back shortly Merci. After. Merci. Il y a le ciel, le soleil. C'est la grande invasion, la guéguerre des bouchons, par choc contre par choc et radiateur qui boue. Voici venue l'époque des maillots de corps à trous. Mobile home, plein le camping, home sweet home, bison futile, Bébé adolescent, adulte, troisième âge. Tout le monde est content, avachi sur la plage. Dégagez, dégagez, faites place aux touristes. Laissez passer la horde des véliplanchistes. Camarades autochtones, nous voilà condamnés à vivre de bons mois en zone occupée. C'est la complainte du maître nageur qui préfère l'été aux grosses chaleurs. Bouillottes et dredons, pullover. C'est la complainte du maître nageur qui n'aime que la pluie, le verglas, le tonnerre. Oh, vivement l'automne, vivement l'hiver. Boudin, string, ambre solaire, mec à frime, slip panthère. Revenu la saison du barbecue géant, serré comme des sardines sur mon beau sable blanc. Au secours, une femme à la mer, irrocution classique, fromage et dessert. J'en ai vraiment ma claque de repêcher les poufs, de sortir le zodiaque du bouche à bouche. C'est la complainte du maître nageur qui préfère l'été et aux chemises à fleurs. Bouillottes et dredons, pullover. C'est la complainte du maître nageur qui n'aime que la pluie, le verglas, le tonnerre. À vivement l'automne, à vivement l'hiver. Qui donc a inventé toutes ces lois débiles? Congés payés, bons imbéciles. Je compte les jours, je fais des croix sur le mur de ma chambre. En attendant septembre, octobre, novembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin, à vivement la quinoa. C'est la complainte du maître nageur qui n'aime que la pluie, le verglas, le tonnerre. Oh, vivement l'automne, à vivement l'hiver. À vivement l'automne, à vivement l'hiver. Thank you. KFAI is calling the studio to win tickets to a great show. I'm Pam Kay. You're listening to Stone Soup here on KFAI Radio, Wednesday morning roots-based music. Today I'm mixing it up quite a bit, and this has been a fun show. Hey, congratulations goes out to Don, who won the pair of tickets to see Daryl Anger. KFAI is community. Our membership drive is on right now. Make a contribution at kfai.org or call 612-375-9030. And thanks for your support. Programming on KFAI is supported in part by Pizza Luce, six Twin Cities locations. Pizza Luce bakes award-winning homemade pizzas with vegetarian, vegan, and gluten-free options available. Pizza Luce also offers delivery and online ordering. More information is available at pizzaluce.com. You heard Ave Maria as conceived and composed by Aznavour, and he was giving this live at the Palais des Congrès in the 1997-98. So we're passing this CD for two reasons. One, to show, one simply to listen to how he sounded 16, 17 years ago. And the other one is in his interview. He actually talks about a couple that was sitting in the front row of one of his shows, and it was clear, he says that the woman had actually dragged her husband to the show, and he could then hear after he sang Ave Maria, the guy said, "Oh, is he going to convert me now?" Or really very angry. So that's why we put it in, and we will hear more a second part of the interview right now. Then we'll hear it right now. Yes. Here we go. And the other songs that we heard just before that, before we hear the rest of the Aznavour, we had heard Françoise Hardy. No? Oui, yes. C'est ça. Mm-hmm. Françoise Hardy. Villégiature, the resort. And then before that, Le Complaint du Maître Nageur de Louis Chédid. So mm-hmm. Here we go with the Aznavour interview. Oui, très tard. Mais parce que pour les arrangements, c'est la première fois. Oui, c'est la première fois. Mais pourquoi est-ce que vous avez voulu franchir ce pas-là, en plus ? Je l'ai franchi parce que les arrangements qu'on m'a proposés, qui au demeurant ont été peut-être excellents, c'était pas mauvais, un bon arrangeur fait toujours un bon arrangement. Mais je crois que là, il n'a pas compris qui j'étais aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'il y a de différent dans vos arrangements et dans ceux des autres ? C'est-à-dire qu'ils sont beaucoup plus dépouillés. La voix est beaucoup plus proche, c'est-à-dire qu'elle enveloppe plus la personne qui écoute. Ce sont deux choses très importantes. Mais pour avoir ça, il faut que l'orchestration soit à la hauteur de cela. Une orchestration classique avec piano et violon. Ceci dit, je n'ai pas fait les orchestrations. J'ai fait les arrangements. Et les orchestrations ont été faites par l'orchestrateur qui a bien voulu le faire. Il aurait pu très bien faire les arrangements. Cette orchestration classique à base de violon et de piano, tout de suite, dès la première note de chaque chanson, on reconnaît que c'est du Charles Aznavour. Oui, c'est possible. Mais c'est pour ça que je voulais des arrangements qui me ressemblent. Nous avons notre manière d'écrire, on a des couleurs, on a des rythmes, on a des mots. Il faut que l'arrangeur ait compris ça parfaitement. Et ils ne sont pas les mêmes aujourd'hui qu'ils étaient il y a 50 ans. Tout est différent. J'ai changé complètement. Je n'ai pas changé ma manière de penser, mais j'ai changé beaucoup. Et qu'est-ce que vous avez changé dans votre interprétation, Charles Aznavour ? Rien. Et dans la composition ? Rien non plus. C'est dans le texte. Dans le texte, je suis beaucoup plus pointu. Comment est-ce que vous choisissez vos mots ? Mon instrument le plus important, c'est le dictionnaire de synonymes. Je ne veux pas dire 150 fois le même mot. Et puis, j'ai appris à être très économe. Si je dois dire, il y avait une pomme et une poire, c'est pas la peine. On met une virgule, on met pomme, poire et machin. Mais à chaque fois, mettre des « et », des « mais », des « non ». Il faut apprendre que la langue française est suffisamment précise. On n'est pas obligé de donner une précision au public qui n'est pas aussi bête qu'ils le pensent, ces gens-là. Le public est très intelligent. Il est intelligent même s'il n'a pas une très grande intelligence. Il y a des choses qui se passent en lui qui nous dépassent, nous qui écrivons. C'est très étonnant, Charles Aznavour, parce qu'on a toujours l'impression que vos chansons sont polies un peu, avec une précision d'horloger, voire d'orfèvre. Et quand on les écoute, même à la première écoute, on a l'impression que tout est simple, que tout est naturel, que tout coule. Ah non, c'est pas simple, pas naturel. Mais à l'écoute, c'est l'impression que ça donne. Mais il faut donner cette impression. C'est difficile d'écrire facile ? Je suis incapable d'écrire un succès. Je l'ai toujours été. La chanson devient un succès. Mais je n'ai pas écrit de succès. Bon, quand on dit d'une chose que je hais, et on le dit de question avec quelqu'un qui écrit de belles chansons comme Goldman, on dit c'est un faiseur de tubes. Mais en disant c'est un faiseur de tubes, on le rabaisse. C'est un auteur de chansons. Il l'a prouvé, ça se voit. Elles sont belles, ces chansons. Alors moi, je ne fais pas de tubes. Je ne cherche pas à faire un succès. Je cherche à intéresser le public. Et là, dans cet album encore, Charles Aznavour, il y a quelques-unes des chansons dont vous vous dites, avant même que l'album ne sorte, celle-là, ce sera un tube. Oh non. Vous ne pouvez pas, non, absolument pas préjuger des goûts du public. Non. Mais c'est pour lui que vous écrivez. Moitié-moitié. On est partenaires là-dessus. T'aimer ces jours et nuits, rêver à ton visage, c'est ma peau qui se meurt, assoiffée de ta peau. C'est le printemps perdu qui joue avec mon âge, fait le jour plein d'espoir et de nuit sans repos. T'aimer, c'est ce torrent qui roule dans mes veines, qui dévale en mon cœur pour envahir mes jours. C'est la main du geôlier qui, sans l'aide de chaîne, me retient prisonnier sans besoin de secours. C'est l'écho de ton nom qui chante à mon oreille. C'est tout ce que j'invente en rêve chaque fois. C'est le bourdonnement de ces mille merveilles, de tout ce que tu es aussi des choses plus intimes. C'est mon corps et ton corps sous le ciel de ton lit, et ces mots murmurés que le bonheur sublime, faisant de moi le Dieu tout puissant de tes nuits. T'aimer, ce sont mes mains et mon corps qui t'implore. C'est ton parfum grisant qui flotte autour de moi. T'aimer, c'est tout cela et même plus encore. C'est l'envie de t'avoir sans cesse dans mes bras. T'aimer, c'est dans ma chair qui me brûle et décide. Au plus profond de moi, comme un carré d'azur, d'où s'évadent des chants que le bonheur décline en harmonie céleste, aux accents doux et purs. T'aimer, ce sont ces doutes qui me déconfortent, cette peur que tu partes en ne laissant de toi que quelques souvenirs comme des feuilles mortes dans mes joies dévastées et ma vie mise en croix. T'aimer, Charles Aznavour. Non, qui... ça, c'est une chanson d'amour. Ah oui, très très belle chanson d'amour. Elle est en alexandrin, comme d'habitude, voilà. J'aime beaucoup. Oui, c'est ça. Le rythme de l'amour, l'alexandrin. C'est le rythme de la langue française. L'alexandrin n'est pas français à la base. Mais on n'a plus d'alexandrin en France que partout ailleurs, dans le monde. Ça devrait être ou italien ou grec, ou non. Ça ne l'est pas, c'est français. Mais comment est-ce que vous faites, Charles Aznavour, pour vous renouveler dans un registre aussi exploré, aussi banal, diraient certains, que les chansons d'amour? Je sais pas. Je peux pas vous répondre, je ne sais pas répondre à ça. Si je vous répondais à ça, je répondrais avec une grosse tête. je trouverais des mots qu'il faut, ronflant un petit peu. Non, j'écris, c'est tout. Mais pourquoi l'amour vous inspire? C'est ma page blanche qui m'inspire. Depuis quasiment le début de votre carrière, Charles Aznavour, vos chansons d'amour regardent en arrière. Oui. Pourquoi? L'amour, c'est mieux quand il est passé? Non, je vais vous dire la vérité, c'est que le vrai réservoir, c'est la mémoire. Le vrai réservoir, c'est le passé. Il n'y a pas un réservoir pour le futur. Il y a eu des écrivains, il y a Ray Bradbury, on en a un français qui avait écrit, je sais. Mais ça n'est pas un langage pour les chansons. J'ai demandé à Bradbury de me faire un texte un jour. Oui, l'amour, science-fiction. Une chanson, quelle qu'elle soit, mais science-fiction. Ça, c'est pas fait. Il n'a pas réussi à le faire. L'amour qui vieillit, l'amour qui souffre, c'est plus beau que l'amour heureux. Bah, c'est-à-dire que l'amour heureux n'a pas d'histoire. C'est comme dit le proverbe. Aragon, il n'y a pas d'amour heureux. Oui, mais il n'a pas d'histoire. Tandis que... Non, je veux dire, l'amour gay n'a pas d'histoire. C'est l'amour malheureux qui a une histoire. Et vous n'avez pas envie de... De changer, Trenel a fait très bien. Oui. On va pas faire la concurrence. On va pas faire la concurrence à Charles. Un Charles qui ferait la concurrence à un autre, ce serait grave. Charles Aznavour, vous pourrez remarquer une très courte pause pour le flash. On se retrouve dans un peu plus de 3 minutes sur RFI. Et vous m'en dites. On KFAI is brought to you by Southside Pride, a monthly newspaper locally owned and operated in South Minneapolis. Southside Pride celebrates the racial and cultural diversity of the Southside and serves the Phillips, Hiawatha, Seward, and Cedar Riverside neighborhoods and more. More information is available at southsidepride.com. So we heard a second part of the interview with Charles Aznavour, and he is, I think, he really has his sense of humor, laid-back sense of humor. Very sharp. And being very sharp, yes. So he's asked about, so what makes you write these songs about love and so on, and do you have a special connection? And he says, no, my driving force is the white paper, is the blank paper, where that I want to fill with songs and notes, and then he goes on to talk about again the interviewer simply asking how come you always sing about sad songs about love, mm-hmm. And why aren't you going to make one about happy love? And Aznavour says, no, that happy love has no history. Happy love has nothing really to speak of. It's the sad ones which really have a history, and they are encased in your memory. And in your memory, there is no memory of the future. And the happy loves, well, they just go on like that. They are boring in a sense, but it's the sad ones that have the tragic ones. Well, that was a very beautiful love song. It was called Teme, Loving You. Loving Me, and then and he sings... Loving You. Loving You, and then he goes through the how this develops. I mean, how he remembers his lover and... It's a very, very nice song, and it's amazing, I mean, at his age of 91. And he is actually going to perform He's going to perform again. In September, somewhere around September, November. Not on tour, as he says, he doesn't go on tours anymore, but he's performing in one of the big venues of Paris. And you can be sure that the place will be filled. Jam-packed. A comble, yeah. Completely. Amazing man. Thank you for sharing that with us tonight. Should we go back to a little bit more vacation music, or do we have any more announcements? I have one. Let's do a few songs, and I have just a little... Super. That looks like a great thing to talk about. Let's go to the beach first, and we'll get right back to that. On allait au bord de la mer avec mon père, ma sœur, ma mère.

palmiers, tous les bananiers vont pousser pareil quand je serai parti. Vous pourrez m'écrire ici 77, 65 Vallier, Montréal 77, 65 Vallier, Montréal 77, 60. Heard two numbers. First of all, Beau Dommage, Canadian group, which was formed in 1973 in Montreal, and they were the group for those years, but they broke up after four albums and a lot of success, but got back together again in 1978. It was called All the Palm Trees. And then we heard Michel Polnareff, Holidays, one of the last of his classic style. Alors, il est l'heure? Almost. Non, là, j'ai juste un petit, pardon. Les faits du jour sont tellement déprimants, donc il faut que je cherche quelques petits trucs comme les potins de la grand-mère. Le champion du monde de Scrabble francophone ne parle pas français. Le Néo-Zélandais Nigel Richards est devenu champion du monde de Scrabble francophone lundi 20 juillet en Belgique en s'imposant en finale 2-1. Okay, so this the world champion for Scrabble. For Scrabble in French is a New Zealander. He speaks no French. That's just absurd. He must have used Latin roots. To explain, he actually memorized an entire dictionaries of French words and then went into a mathematical analysis of how these words and how consonants and are put together and what's the most likely situation. And he knows French, but he can't speak it. I mean, he knows French words. That sounds very boring. No, all those. Well, everything. Very small. And then he is also smart. He gets his Scrabble in, and then he has certain tactics or schedules to actually block the opponent. So he is now the champion du monde en Scrabble francophone and doesn't speak French. That I thought that was kind of a hilarious kind of little thing. I know that my ex-husband's going to love, I don't know how he's going to love it. We played lots of tournaments and it took me a very long time to win at Scrabble in French. But that dictionary, having a Robert at your disposal that's why I love dictionaries having in my Robert, house. Petit Robert in your head, that's the thing. I mean, this guy. This mathematical formula, for the arrangement of letters and, the numeric value of how many points you make when you're using a K or a W in the French language. Well, it looks like our time is up for tonight. Trop vite, mais la semaine prochaine. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Au revoir. Au revoir et bonne nuit. Bonne nuit.